Lee Hong-si, ambassadeur du ministère coréen des Affaires étrangères, en séjour à New York pour participer à la 10e conférence des pays signataires de la Convention sur les droits des handicapés qui se déroule depuis le 13 jusqu'au 15, s'est entretenu le 12 au siège de l'ONU avec Catalina de Bandas Aguilar, rapporteuse spéciale chargée des droits des handicapés relevant du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ambassadeur coréen et la rapporteuse spéciale ont partagé l'opinion que sa visite en Corée au début de mai dernier a été le point de départ de l'établissement des rapports de collaboration entre la Corée et les institutions internationales pour les handicapés. Et ils ont échangé le point de vue pour intensifier davantage le dialogue et la collaboration destinés à la vraie protection des droits de l'homme, y compris la protection des droits des handicapés. L'ambassadeur a dit que grâce à la politique d'amour pour le peuple et la postérité du dirigeant suprême Kim Jong-un, tout le peuple coréen, y compris les handicapés, jouit des droits authentiques. Il a ensuite exprimé l'intention d'appliquer avec loyauté la Convention sur les droits des handicapés avant d'informer du fait que les établissements correspondants de la Corée étudient les problèmes de mesure selon les conseils donnés par la rapporteuse spéciale lors de sa visite en Corée. La rapporteuse spéciale a remercié le gouvernement coréen pour avoir réservé un accueil chaleureux lors de sa visite en Corée et permis de constater l'état d'assurance des droits des handicapés et dit qu'elle va informer en détail du résultat de la visite en Corée à la 10e conférence. Elle a ajouté qu'elle va s'efforcer pour que les institutions de coopération de l'ONU s'intéressent à la collaboration pour les handicapés coréens et surtout collaborer activement pour que la Convention sur les droits des handicapés soit appliquée parfaitement conformément à la situation concrète coréenne. L'ambassadeur coréen a affirmé une fois de plus que la République populaire démocratique de Corée s'oppose à tout débat sur les droits de l'homme ou à toute collaboration proposée par les forces hostiles extrêmement politisées avec les témoignages des déserteurs du Nord et les faits falsifiés, mais qu'elle a l'intention de répondre à tout moment au dialogue et à la collaboration pour l'amélioration authentique des droits de l'homme proposée avec loyauté pour nous aider.